Ah les gars, quoi de neuf, voilà, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. C'est qui encore ce gars qui me prend la tête? Attends, c'est quoi ça? Est-ce que c'est quoi ça? Y'a quoi ça? Tu crois que c'est... Y'a quoi? Hein? Attends, y'a quoi? Attends, laisse-moi tranquille. Comment ça t'inquiète? Laisse-moi.